Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gamozo 107 FM. Aujourd'hui, une nouvelle, toujours donc de Valério Romão, qui est donc un auteur portugais, mais il est né en France et en 1974, il retourne au Portugal à l'âge de 10 ans. Il est diplômé de philosophie. Il écrit un roman nommé Autisme qui a beaucoup de succès. Ses nouvelles nous font naviguer entre l'absurde et le fantastique. Je pense la littérature comme une forme de musique avec ses cadences. Voilà, voilà. Le titre aujourd'hui, je ne sais pas où il a été le péché, mais je n'ai trouvé aucun rapport avec l'histoire. Il s'appelle « Il y eut un temps où, grâce au succès de la sélection brésilienne, de nombreux gamins à la naissance furent baptisés Zico. » Donc, je commence. Je savais qu'adopter un cannibale ne serait pas facile. D'abord, parce que l'adoption n'est jamais chose facile. Dans le meilleur des cas, on a de la chance avec l'adopté et la chose devient aisée. Si, néanmoins, l'inverse se produit, et sans système de retour légalement prévu, les choses peuvent vite et définitivement se compliquer. C'est ce qui nous est arrivé. Lorsqu'à l'été 2008, nous avons adopté un petit cannibale, très mignon, absolument parfait, que nous avons appelé Antonio, le nom du père de mon mari, très ressemblant, en tout et notamment le teint, au petit Antonio qui, au sortir de la chambre exiguë de l'orphelinat, occupé en régime d'isolement, nous souriait avec une tendresse à laquelle nous serions toujours incapables de résister. Au retour à la maison, les problèmes ont commencé. Antonio était sur le siège arrière de la voiture, sur le fauteuil ayant appartenu à Rita, bien attaché, sérieux, à l'abri des accidents qui fleurissent partout sur les routes portugaises, et peut-être avons-nous sous-estimé sa force ou son intelligence, je ne sais pas. Mais quand on s'en est aperçu, Antonio s'était libéré des petites ceintures de sécurité de son fauteuil et se trouvait sur le siège arrière, à la recherche de Nero, à ce qu'il semblait. Un caniche nain, offert par ma mère en 2003, au plus fort d'une grosse dépression, époque où je lui avais dit en secret, jamais je n'oublierai, « Maman, je n'aime plus Henrique. Maman, même mes enfants, je ne les aime plus. Je ne peux plus voir les gens. » À quoi ma mère, pragmatique jusqu'au bout des ongles, avait répondu très calmement, « Il te faut plutôt un animal, un passe-temps. » Ça fait 3 mois que tu ne quittes plus ton lit. » Et ainsi avait surgi Nero, un chien d'une fidélité absolue qui m'inondait de câlinerie toute la journée, endossant une quote-part fondamentale à ma récupération et faisant les délices des gamins, qui s'amusaient à lui confectionner des boucles, des tiges et des nattes et les coiffures les plus extravagantes, mauvais tour auquel il se soumettait comme seul l'amour inconditionnel d'un chien le permet. Le petit Antonio était beaucoup plus vif que ce dont on s'était rendu compte à l'orphelinat. Et s'approchant de Nero, « Tu vas voir, mon amour, ils vont devenir les meilleurs amis, » confiai-je à Henrique. Il lui dévora la patte avant droite et la pauvre bête se mit à hurler en vacarme qui faillit nous causer un accident. « Que se passe-t-il là derrière, Martha ? Pour l'amour du ciel, que se passe-t-il ? » Et je dus calmer Henrique tandis que je me faufilais par-dessus les fauteuils pour secourir Nero. « Ce n'est rien, Henrique. Regarde devant toi et conduis, je m'occupe de ça. » Et quand je réussis à arriver auprès d'Antonio et de Nero, le petit avait dans la bouche l'extrémité de sa patte avant droite. Le pauvre Nero, dans une intarissable détresse, hurlait tout en s'écartant le plus possible d'Antonio, qui ne s'était débarrassé ni de son sourire, ni de sa mauvaise action évidente, et très difficilement. « Vas-y, ouvre la bouche, mon garçon. Ah, tu es méchant, tu n'auras pas de cadeau de Noël. » Je parvins à lui retirer de la bouche la pâte de Nero, et le gamin ne dit rien. Hébété, faute de savoir pourquoi je le dépossédais de quelque chose qui, n'étant désormais plus à Nero, ne pouvait appartenir qu'au premier à la réclamer, ce qui était de toute évidence son cas. À l'hôpital, on nous dit que la pâte était trop broyée pour être à nouveau suturée, et nous fûmes obligés de laisser Nero aux soins des chirurgiens afin que ceux-ci recomposent son moignon et lui greffe une prothèse. Quand ils nous demandèrent comment cela s'était produit, nous avons expliqué que le chien s'était retrouvé avec la patte coincée dans la porte, une bévue lamentable qui peut arriver à quiconque est pressé, comme c'était notre cas, a-t-on réaffirmé. Et comme Antonio était dans la voiture, bien conditionné sur son fauteuil grâce à un cadenas moto dégoté dans le coffre et dont la présence serait dorénavant constante pour nos trajets avec lui, les médecins, malgré leurs soupçons à la façon dont l'os avait été sectionné et non écrasé, comme on l'aurait attendu après un écrabouillage monumental, ne purent sinon se lamenter comme nous sur le pauvre chien qui, dans un accident haussien, avait perdu sa petite patte par un temps de chien. Et nous avons tous éclaté de rire en avisant les rimes accidentelles qui transformaient le désastre en jingle télé. En arrivant à la maison, nous avions à moitié oublié l'incident avec le chien. Avec des lingettes qui voyageaient toujours avec nous, à cause des gamines qui laissaient aussi bien tomber une boule de glace sur le tapis de la voiture, qu'elles ne retenaient pas de faire pipi une fois lancées dans une cascade de fou rire, endiguées d'habitude seulement après une bonne gueulante ou quelques taloches de nous deux dans les cas coriaces. J'essuyais une discrète goutte de sang sur le visage rond d'Antonio, et lui passant la main sur les cheveux pendant le reste du trajet, je sentis que, petit à petit, il finirait par appartenir à la famille, aussi indistinctement que ceux déjà nés en son sein. À peine vu, les gamines se prirent de passion pour Antonio, et l'histoire de Nero hospitalisé pour avoir perdu une petite patte, comme parfois les enfants perdent leurs dents, est passée de façon inespérée en aval du baromètre de bobards parentaux que chacune d'elles gardait en réserve. En peu de temps, le gamin était couvert de bisous et prêt à être déshabillé, habillé et intégré au circuit de jeu de chacune d'elles. Et elle se le disputait avec la férocité avec laquelle on accueille un jouet à la finalité indéterminée. Mais quand Antonio planta ses dents sur Rita, lui faisant une petite blessure semi-circulaire qu'elle pourrait montrer à ses camarades d'école, « C'est mon petit frère, il est pire que les vôtres et je n'ai plus peur de vous, tralalalalère, la compétition pour le petit !» comme s'il s'agissait d'une tablette de chocolat ou d'un cadeau destiné au cousin pris fin. Après avoir scruté la blessure de Rita, qu'on ne parvenait pas à faire taire, « Méchant Antonio, ne mords pas ta sœur, chérie, assieds-toi sur ta chaise et bouge pas !» Nous vérifiâmes que les marques des dents triangulaires ne pouvaient que correspondre à une armature dentaire modifiée d'une certaine façon. Comme le comprit tout de suite Henrique, saturé de s'envoyer National Geographic tous les dimanches après-midi, allongé sur le canapé pendant que les gamines et moi allions nous promener, invariablement, sans lui, pris d'une indisposition du transit intestinal, sitôt soulagé dès que les petites et moi franchissions la porte. Et l'hypothèse à peine formulée, Henrique la mit à l'épreuve et, ouvrant avec prudence la bouche d'Antonio, Il m'appela pour qu'on constate émerveillé l'éclosion régulière de deux rangées de petites pyramides aiguisées, capables à la rigueur de fonctionner raisonnablement comme une scie. Il nous semblait évident à tous les deux que nul ne naissait avec ce type de dentition. Très probablement une conséquence néfaste de l'indifférence que l'on avait vouée aux gamins à l'orphelinat. Suffisante pour qu'un adulte ou lui-même ait eu le temps et l'intimité de limer ainsi les dents. Nous fûmes mécontents, Henrik et moi, car il ne s'était pas montré correct avec nous lorsque nous avions posé des questions sur Antonio. S'il avait quelque chose de spécial, un comportement, une marque de naissance ou acquise, des allergies, et l'assistante sociale, cette godiche a l'air de perpétuellement s'ennuyer, aurait pu dire « Ah, maintenant je me rappelle, il a des dents, on dirait un requin. Vous avez vu ? Ouvre la bouche, mon garçon, montre-leur. » Mais non, c'était l'histoire du cannibale par-ci, du cannibale par-là, comme si un concept aussi large pouvait se déconstruire de lui-même, se réduire à tout ce qu'il faut savoir au sujet de et sur les cannibales. Le propos nous déplut tellement à Henrik et moi qu'on fut à deux doigts de mettre Antonio dans la voiture pour le remettre à l'orphelinat, avec l'avertissement de ne pas essayer de berner les gens au cœur sincère. Surtout ceux-là, suffisamment rares, surtout ceux-là. Après avoir donné le bain à Antonio, et Rita ayant trouvé drôle sa première blessure de guerre, on alla tous manger un plat de viande bourratif mis au four avant de partir, et dont l'odeur attisait déjà la faim et les voisins depuis au moins une heure. Il était resté à cuire à feu très doux, afin que la viande soit tendre, ironiquement à cause du gamin, car en allant le chercher, on ne savait pas s'il avait des dents pour manger le traditionnel steak. Antonio renifla la viande, et les pommes de terre, et la salade, mais il ne mangea presque rien. Juste quelques cuillerées enfoncées péniblement dans la bouche, pendant que l'aîné lui faisait des grimaces juste sous son nez. « Si ça se trouve, ce sont les épices, pensais-je, voire les habitudes alimentaires précédentes. On ne nous avait pas précisé s'il serait difficile de transformer son palais de cannibale en carnivore, au moins, et de là, avec de la chance et de la persévérance, en omnivore. La situation idéale pour ne pas être obligé de préparer toujours deux repas différents. » Avec cela en tête, nous allâmes le coucher, peu après 10 heures, l'imaginant fatigué, et on lui attacha les foulards autour des poignets afin qu'il ne sorte pas de son lit à barreaux. Faute de réussir à évaluer le danger qu'il pouvait représenter pour lui-même ou les autres. Le tout en accord avec les instructions fournies à l'orphelinat. Mais le gamin ne trouva pas ça drôle du tout et il se mit à hurler tellement longtemps et de façon si particulière. Je n'avais jamais entendu un enfant pleurer comme ça. Les enfants ne pleurent pas comme ça. Je vous assure qu'on dut fermer sa porte et mettre un gros coussin sur le seuil afin que les cris se déversent le moins possible dans le couloir et de là vers les chambres et des chambres vers la rue et de celle-ci vers le monde. Et on ne dormit pas du tout, ni Henrik, ni moi, ni les petites puces qui le matin nous disaient la lèvre boudeuse et des cernes jusqu'aux genoux. « On ne peut pas le rendre, maman, juste pour qu'on dorme, maman !» Et de leur expliquer que les choses ne fonctionnaient pas comme ça. On n'avait pas rendu Rita quand elle avait redoublé son CE2, tout comme on n'avait pas renvoyé Raquel quand on l'avait surprise dans la penderie avec un Francisco quelconque en train de se bécoter à cet âge. « C'est pas vrai !» s'insurgeait Raquel, « c'est pas vrai, vous êtes méchant. » Et peu importe, écourtais-je en faisant la morale, que ce soit faux ou vrai, Ce qui importe, c'est qu'Antonio est de la famille maintenant et on ne le rendra pour rien au monde, vous avez compris ? Et elle hochait la tête dans l'affirmative, sans grande conviction. Et la faim, se succédant au sommeil, finissait par dissiper la contrariété que chacune rapportait de son lit et nous réunissant tous à la table. Y compris Antonio, conduit par la main d'Henrique. Nous finîmes par avoir notre premier petit déjeuner de famille renouvelé, exception faite de Nero, mais ce fut quand même bien, quoiqu'Antonio ait très peu mangé de tartines au jambon. Les jours passèrent sans qu'on améliore notre situation d'abandon initial. Antonio ne parvenait toujours pas à dormir et mangeait à peine, peut-être tout juste pour se maintenir vivant, ce qui, chez un garçon de son âge, pouvait conditionner à l'avenir l'apparition de plusieurs problèmes de croissance, d'intelligence principalement. Et cela m'angoissait énormément, vu que je ne voulais pas inaugurer l'inclusion de crétins dans la famille. Une situation vierge, aussi bien de mon côté que celui d'Henrique. Les gamines, celles-là, étant désolées, faisaient tout leur possible auprès de nous pour qu'on rende Antonio là où nous l'avions trouvé, sous prétexte qu'il ne s'adaptait pas, disait-elle en cœur, ce qui était vrai, soulignait l'aîné, pendant que Rita, hochant la tête affirmativement, s'endormait avec un morceau de pain dans la bouche. Nous essayâmes un jour de le laisser détacher la nuit, bloquant seulement la porte de la chambre. Nous voulions comprendre, au fond, si c'était les liens qui le gênaient ou son appartenance à une maison étrangère. Ce fut horrible. Toute la nuit, nous l'entendîmes frapper avec les mains et la tête sur la porte. Et à mesure que ce bruit installé s'intensifiait, notre courage d'y aller diminuait à des niveaux submétriques. Le gamin passa toute la nuit dans cet état, alternant moments d'accalmie, au cours desquels nos yeux se fermaient sous le poids du sommeil, et moments d'une intensité et d'une frénésie telle que j'ai même pensé dire à Henrique qu'il ferme notre porte de peur qu'il ne la démolisse et nous attaque sur le champ, au lit, où sans défense, il nous dépecerait. Afin que les gamines, dans un accès traumatique à la réalité sans filtre diaphane, nous retrouvent en charpie au petit matin. Antonio finit par se blesser avec une certaine gravité, cette nuit-là. Vu son insistance à faire de sa tête un marteau et de la porte un clou, et il avait de grandes taches violettes sur le front quand Henrique alla le chercher. Et il respirait très superficiellement. Nous décidâmes donc de prendre la voiture et de l'emmener chez une tante médecin. Car si on se rendait avec lui à l'hôpital, on nous accuserait au minimum sûrement de négligence et de mauvais traitement, selon leur bon vouloir. Et en un clin d'œil, on se retrouverait sans sa garde et avec du travail sur le dos, situation dont on n'avait pas du tout besoin. À peine tante Isabelle le vit-elle qu'elle posa les mains sur sa bouche d'effroi. « Nous étions dingues, disait-elle, d'avoir laissé le gamin en arriver à ce point de sous-alimentation et de blessure. Et nous répliquions autant que possible, essayant de lui faire comprendre que le gamin était très compliqué, qu'on ne dormait plus depuis une semaine et pouvait-elle faire quelque chose, demandait-on. Car l'emmener à l'hôpital reviendrait à nous déclarer coupables de quelque chose à laquelle nous n'avions pas contribué, sinon par accident. Et tante Isabelle, se remettant du choc avec le pragmatisme typique des médecins, nous disait de nous en aller. Elle appellerait bientôt et que le gamin avait besoin d'attention. Plus tôt on partirait, mieux ce serait, parce qu'elle avait des choses à faire et des gens à soigner. Les jours suivants, à la maison, on dormit comme on ne dormait plus depuis longtemps. Et on mangea et on rit. Et Antonio semblait n'avoir été qu'un cauchemar infiltré collectivement. Et même Nero, scandant du haut de sa prothèse une marche qu'il perfectionnait, semblait étranger au besoin de posséder ses quatre membres, lui suffisant pour compenser d'avoir une maison pleine de gens prêts à le cajoler du matin au soir. Il lâchait à peine un jappement pour s'être laissé enrouler dans le petit panier où il dormait. Une nuit parmi d'autres, j'allais me coucher après avoir trop mangé, aussi ballonnée qu'ensommeillée, et je me suis réveillée vers 3 heures du matin environ, en me disant qu'on ne savait plus ce qu'Antonio faisait depuis au moins une semaine, depuis le dernier coup de fil de tante Isabelle, pour être plus précise, seulement quelques jours après qu'on l'avait laissé là-bas, où elle disait que le gamin récupérait bien qu'elle ait vu des bouches plus faciles passer devant sa cuillère. Je n'ai pas réveillé Henrik par compassion, mais j'ai mis une alarme sur mon portable pour, à 8 heures du matin, me souvenir de lui dire « Passe chez Isabelle, achète un gâteau et des fleurs et vois comment va le gamin. » Quoique je ne sois pas pressée qu'il le ramène à la maison, et cela restait, comme toujours, dans la zone du non-dit. Les gamines étaient tellement contentes que je n'ai pas eu le courage de leur dire qu'Antonio serait probablement de retour avant la tombée de la nuit, parce que papa était allé le chercher chez tante Isabelle. J'ai laissé passer la journée, et ne pouvant contourner le problème, j'ai fini par ne pas l'anticiper. Quand le moment viendrait, on écorcherait le paradis à crédit. Jusque-là, c'était ce qu'on avait et c'était bien. Quand Henrik est rentré à la maison, il faisait déjà nuit. Les gamines dînaient dans la cuisine, des bolognaises qu'elles s'amusaient à partager avec le chien. Henrik, revenant de la voiture, essoufflé, se contentait de me dire « Assieds-toi, assieds-toi, tu vas comprendre ». Et moi, je m'asseyais en quête de la télécommande pour baisser le son de la télé et mieux l'entendre. Mais lui, nerveusement, me la prenait de la main. « C'est bon comme ça, disait-il, pour qu'elle n'entende rien. » Et il indiquait les gamines dans la cuisine. Et moi, le cœur serré par ses expressions étranges, lui demandais uniquement de parler. « S'il te plaît, que se passe-t-il ? » Et lui, ses mains calmant les miennes. Quand je suis arrivée là-bas, personne ne répondait chez la tante, ajoutait-il. Oui, chez la tante, personne ne répondait. Mais je savais qu'elle était le genre de femme à avoir une clé quelque part, sous le tapis ou un vase. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai trouvé la clé sous le vase et je suis entrée. Et je ne veux même pas te raconter ce que j'ai vu là-bas. Après avoir déambulé dans les chambres, dans le noir, à la recherche du gamin et d'Isabelle, quand je suis arrivée à sa chambre, à tâtons, et que j'ai allumé les lumières, c'est là que je l'ai vue. Je n'ai pas de mots. Continue, s'il te plaît, continue. Éventrée sur son lit, ouverte avec ce qui ressemblait à un grand couteau, et des ombres de la chambre est sorti Antonio, avec la bouche pleine de sang, mais très calme, se cramponnant à ma jambe comme un chien qui n'aurait pas vu son maître depuis longtemps, et moi, contenant difficilement le vomissement. « Et qu'est-ce que tu as fait? Tu ne les as pas ramenés ici ?»« Oh non, non, grâce à Dieu, mais alors où sont-ils ?» J'ai d'abord essayé de l'emmener, lui, dans la voiture. Après lui avoir grossièrement lavé la bouche et les bras et lui avoir enfoncé un vieux pull sur la tête. Mais il ne venait pas. J'avais très peur qu'il ait encore un couteau, moi qui avais déjà caché l'autre. Et tante Isabelle, immobile, morte, tant de choses sortent de l'intérieur d'un corps, Martha. Morte, tu es sûre? Tu n'as pas appelé l'ambulance? Morte, comme les morts, Martha. Et le gamin n'a bougé que lorsque je me suis mise à tirer la tante par les pieds. Je n'allais pas la laisser là en train de pourrir. Sait-on depuis combien de jours elle était morte? Et quand je l'ai enroulée dans le tapis pour l'emmener, il m'a suivie comme si je lui mettais très normalement son sac à dos pour l'école. Et nous avons pris l'ascenseur. Mon Dieu, moi épouvantée que quelqu'un surgisse. Quel gamin si mignon. Et ce tapis, il n'est pas la docteure Isabelle. Où l'amenez-vous? Mon Dieu, tu vois ce que les gens auraient pensé de nous. Mais heureusement, c'était l'heure du déjeuner. Et personne ne s'est montré. On s'est donc engouffré dans la voiture et j'ai pleuré sur toute la route, jusqu'à la sortie de Lisbonne. Tu es sorti de Lisbonne? Mais tu n'as pas appelé l'ambulance, Henrique? Elle était morte, Martha. À quoi ça aurait servi? En plus, tu voulais que je la ramène ici? Après tout ça? Ah non, chérie, tu as bien fait. Tu es allée où avec eux dans la forêt? Je sais pas. Je ne me souviens même pas comment je suis allée atterrir là-bas, après avoir tellement conduit, avec les yeux gonflés à force de pleurer. Je sais que c'était une pinette quelconque au sud, peut-être à Loulé, sûrement loin, parce que j'ai conduit sans m'arrêter. Je crois que j'ai même fait pipi dans mon pantalon. Le gamin dormait déjà sur le fauteuil de Rita, et quand j'ai senti que j'étais déjà très loin, quelque chose m'a pris. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai stoppé la voiture doucement, j'ai ouvert le coffre et j'ai jeté le corps de tante Isabelle dans un fossé où la pinède se confondait déjà avec la mer, près d'un escarpement d'où la mer l'emportera. Dieu la garde. Juste, elle ne sera pas incinérée comme elle a toujours voulu, mais au moins, elle ira dans la mer. Parfois, on ne peut pas tout avoir. Tu as fait ton mieux. Et lui, Antonio? J'ai ouvert la portière de la voiture, de son côté. J'ai enlevé le cadenas et je l'ai porté dans les bras. Il n'a pas du tout l'air dangereux en dormant. On dirait un petit ange. Tu aurais dû le voir se blottir dans mes bras, Martha. Et je l'ai aussitôt posé par terre. Il gigotait encore pour se réveiller. Je me suis armée d'un gros caillou jaune pour lui broyer la tête. Et je l'ai tenu en l'air au moins une minute et demie. Il était sacrément lourd. Mais le gamin a ouvert les yeux. Il s'est mis à me sourire. Et je n'ai pas pu. J'ai jeté la pierre par terre à côté de lui. J'ai couru à la voiture et j'ai tourné la clé. Mais il m'a couru après, essayant d'ouvrir la portière que j'avais fermée de l'intérieur. Et par le rétroviseur, je l'ai vu disparaître dans un nuage de poussière et de sable. Et maintenant, je me souviens uniquement des cris qu'il poussait. Je n'ai jamais entendu un enfant crier comme ça. Les enfants ne crient pas comme ça, je t'assure. Tu as bien fait, Henrique, tu as bien fait. Il y aura bien quelqu'un pour s'occuper de lui. Peut-être un chasseur. Et je n'entends que les cris quand je ferme les yeux, dès que je les ferme. Et je ne veux pas les fermer, tu comprends? Il ira bien, il est costaud, tu vas voir. Un jour, il nous remerciera, même sans nous connaître. Tu as bien fait. Dès que je ferme les yeux, tu comprends, ce sont ces cris qui n'ont ni profondeur, ni explication. Et je ne veux plus jamais fermer les yeux, tu comprends? Chut, du calme maintenant. Tout ira bien, tout ira bien. Je n'en suis pas si sûre. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, une histoire de cannibale pour commencer l'année, c'est pas si mal, n'est-ce pas? Allez, passez une très bonne soirée hein, sur Radio Gémozo. Et puis, tant que j'y suis, une très très bonne année. Alors, 2019. Et oui, bientôt 2020. Allez, à bientôt. Sunday morning, skeleton tree. Oh, nothing is for free. In the window, a candle falling. Skeleton.